Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission enregistrée en différé. Pour rappel, on va se faire cette émission, puis l'émission de la semaine prochaine en différé, avec une spéciale pour Halloween. On en parlera sur nos réseaux d'ici peu, à ce sujet-là d'ailleurs. Pas mal de nouveautés pour l'émission d'aujourd'hui, 10 de la scène internationale principalement, telles que Waking the Cadaver, Knocked Loose, Conraven. On a également les Français de Slapdown et de Bishop. Enfin voilà, pour vous brosser un petit peu les annonces de nouveautés pour aujourd'hui. Une émission que l'on va ouvrir tout de suite avec la première doublette. Tout d'abord Blood Red Throne, le groupe des vétérans du death metal venu de Norvège. Ils sortent leur nouvel effort studio Imperial Congregation via Nuclear Blast. Blood Red Throne, on est toujours sur du death assez solide, mais qui, pour mon goût perso, a du mal à trouver son bon équilibre entre le death old school et la touche un peu plus moderne. On ne s'ennuie pas hein, cependant avec Blood Red Throne, mais il manque... Il manque un petit quelque chose à mon goût. Voilà, et puis dans la foule avec Blood Red Throne, donc un nouvel extrait de Magodeos, le groupe de Heavy Poète Poète espagnol qui sort un nouvel album Bandera Negra. C'est vrai qu'on a un petit peu zappé le reste de la discographie de Magodeos ces dernières années. L'album là, sans être totalement inintéressant comme l'étaient les derniers à notre goût, on retrouve des compos plutôt coolos, avec en exemple le titre qu'on va s'écouter tout de suite, La Dama del Mar, et juste avant Blood Red Throne avec le titre 6-7. C'est parti et bienvenue dans l'émission. doublette suivante, eh ben, c'est tout simplement une doublette de nouveautés. Toolkandra, tout d'abord, ce sosie de Black Death Mello, fortement inspiré d'Indissection, quatrième effort studio, qui continue tranquillement à creuser sa patte et l'identité du groupe. C'est ultra solide, très efficace, et le groupe est toujours emmené par Stephen Kummerer, bien sûr le leader à part entière d'Obscura. Voilà donc pour Toolkandra et ce nouvel effort studio s'intitule Dying Wish et il est prévu pour le 29 octobre chez Napalm Records. Et donc avec Toolkandra, Waking the Cadaver, le groupe de Brutal Slam Death américain, un retour après 8 ans éloigné des studios Authority Through Intimidation, une sortie Unique Leader Records. Waking the Cadaver en termes de slam, ça se rapproche un peu de ce que peut nous proposer un Epicardiectomy. Ce qu'on va appeler du Gaslam. C'est toujours aussi bon. Human Shop Shop, le titre de Waking the Cadaver, et juste avant ça, Toolkandra Funeral Pyre. C'est parti. We'll be right back. Et bien, ma foi, encore une doublette de nouveautés avec tout d'abord Count Raven. Count Raven, c'est donc la première fois qu'on va diffuser un de leurs albums, le sixième, parce que c'est un groupe de doom suédois très actif au début des années 90, hein, puisque quatre albums ont vu le jour avant leur split en 98. Courant des années 2000, ils sont revenus avec un cinquième album en 2009, et 12 ans après, donc, ils nous sortent là leur sixième effort studio. Count Raven, ce nouvel effort studio, s'intitule The Sixth Storm. Voilà, sixième tornade, forcément, sixième effort studio. C'est une avant-première, puisque l'album ne sortira que le 29 octobre. Musicalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de Count Raven ? Eh bien, une inspiration des grands groupes du doom, tels que les Black Sabbath, Saint Vitus et autres Pentagram. Et qu'une tendance parfois un peu plus heavy, dans le sens où les rythmes sont un peu plus soutenus. Et globalement, ça reste assez épique avec un chanteur qui n'est pas sans rappeler le Ozzy Osbourne de l'époque Black Sabbath. Voilà donc pour Count Raven, et dans la foulée, 1940, en français 1914, groupe ukrainien qui, ma foi, est très très très prolifique. Déjà le troisième album studio. On est sur un Black Doom Death assez épique. Agrémenté donc de parties orchestrales, comme d'ailleurs sur le morceau qu'on va s'écouter tout de suite. 1914, et bien ma foi, se taille la part du lion en termes d'apparition sur un paquet d'affiches en Europe, et même maintenant des tournées en tant que headliner. Voilà, vous aurez bien forcément compris le thème avec le nom du groupe, 1914, ça aborde forcément le sujet de la Première Guerre mondiale. Doublette donc Count Raven, le titre The Giver and the Taker. 1914, Pillars of Fire, The Battle of Messiness, extrait de leur troisième album studio, Where Fear and Weapons Meet, une sortie Napalm Records déjà dispo. We'll be right back. We are now the 19 Gelsie. on approche bientôt des 45 minutes d'émission. Une nouveauté encore dans la doublette à venir, Knock It Loose, ce groupe de hardcore ultra vénère qui nous vient des États-Unis. Ils sortent là un nouvel EP, une sortie Pure Noise Record, un EP qu'ils ont sorti en mode coucou c'est nous, A Tear in the Fabric of Life. On est sur un EP 6 titres ultra ultra efficace. Le titre qu'on va s'écouter tout de suite s'intitule God Knows. Alors, j'ai pas eu l'occasion encore de faire des recherches, hein, parce que l'EP vient juste de sortir. Savoir si c'est juste un effet sur le chant principal ou s'il y a un guest, parce qu'il y a une espèce de chant black ultra cradingue par-dessus. J'utilise beaucoup de fois le terme ultra pour qualifier Knock Loose, parce que les mecs sont vraiment à l'extrême de tout ce qu'on peut produire en termes de hardcore, bien agacé et bien haineux. Donc voilà, vraiment un groupe à découvrir ou à redécouvrir. Et dans la foulée, Infiltrated Mankind, là on est sur du pur brutal death. On l'a déjà présenté les semaines passées. Le groupe venu du Belarus. Knock It Loose, le titre donc God Knows, et dans la foulée Infiltrated Mankind avec le titre Life Remains the Same. C'est parti pour une doublette plutôt vénère. God only knows. On calme les esprits et le tempo avec Paradox, le seul groupe qu'on n'écoutera pas en doublette ce soir. Paradox, un vieux groupe de power thrash tech qui fait son retour, hein, un album assez copieux, 70 minutes au compteur, et la plupart des morceaux dépassent les 5 minutes. 8e Effort Studio, c'est une référence directe à ce nouvel effort, à l'album Hérésie, qui était sorti en 1990. Il s'intitule donc logiquement Hérésie to End of a Legend, une sortie déjà dispo chez FM Records, et on s'écoutera le titre Priestly Vows. C'est parti pour Paradox. On attaque tout de suite l'aspect française avec une diffusion 100% hexagonale pour les quelques groupes à venir. Première doublette pour entamer cette spé française, nous aurons Aurillac, qui nous a été largement et généreusement présenté la semaine dernière par Thibaut au travers Infocus. Ils sortent là leur nouvel effort studio Pierre Brûlé sur le même label que leur album précédent, Les Acteurs de l'Ombre. Et dans la foulée, Vénéfiction, le groupe de Death Cradingue breton, Death Black Death, Aside From Below, c'est le nom de leur tout premier effort studio longue durée, Summoned and Defiled, c'est le titre qu'on va s'écouter pour Vénéfiction, et juste avant ça, Aurillac avec le morceau Les Vezani d'Erigome Marches, c'est parti. Thank you.